m'a dit, ta vie est trop vite. Vie en vitesse, en courant jusqu'au bout. Je t'avais dit que je sais tout, tout sur les fleurs et sur les abeilles. Comme toutes les fois, c'était la même chose, les mêmes histoires et je ne t'ai jamais écrit. Mamma mia, tu eres mia. Mamma mia, je suis seulement à toi. Mamma mia, tu eres mia.